Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire David Berkowitz, le tueur en série qui sema la terreur à New York dans les années 70. I'm very pleased to announce that the people of the city of New York can rest easy this morning because of the fact that the police have captured a man whom they believe to be the son of Sam. La population de New York peut enfin pousser un soupir de soulagement, dit en gros le maire de New York, Abraham Beam, le matin du 11 août 1977, au moment où les autorités policières viennent d'arrêter le tueur en série David Berkowitz, celui qu'on a surnommé le fils de Sam. Pendant une année entière, Berkowitz va semer la terreur à New York en multipliant les meurtres gratuits. Decide to drive to one of the, as they call it, a lover's lane. But we got out and. On avait décidé de se rendre à un endroit que j'appelle le chemin des amoureux. On est sorti de l'auto et on est entré dans le parc. J'ai ensuite marché vers les balançoires et j'ai vu un homme qui était, je l'ai appris plus tard, Berkowitz. Je n'y ai pas porté attention. Je me suis dit, c'est juste un type qui traîne dans le parc. But then I didn't pay no mind. Just figured he's just some guy hanging out in the park, you know. So we go onto the swings, but now. Mais tout à coup, Stacy se retourne vers moi et me dit, Robbie, j'ai peur un peu. Retournons à la voiture. Alors nous revenons vers l'auto, on bavarde, on s'embrasse, et 5 minutes plus tard, c'est à ce moment que tout est arrivé. J'ai repris connaissance et j'ai entendu Stacy qui gémissait. Je me suis dit, mon Dieu, on nous a tiré dessus. I heard some moaning coming from Stacy. I said. Oh my God, oh my God, we've been shot. Robert Violante, l'une des victimes ayant survécu aux attaques de David Berkowitz, en entrevue au réseau américain CBS en 2017. Stacy Moskowitz, la petite amie de Violante à l'époque, aura moins de chance que lui. Elle va mourir sous les balles de Berkowitz. Pour nous replonger dans ce climat de terreur qui va s'abattre sur New York dans les années 70, au moment des meurtres en série du fils de Sam, c'est comme ça qu'on va appeler Berkowitz, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il représente? David Berkowitz dans l'imaginaire collectif américain, je dirais même aujourd'hui encore, Karine. Berkowitz reste aujourd'hui l'un des tueurs les plus notoires aux États-Unis, un des plus célèbres, en raison de la nature même de ses crimes. Ce sont des crimes tout à fait gratuits. Il tire sur des jeunes gens qui sont en train de discuter dans une voiture et il frappe au hasard comme ça dans la nuit. On va aussi le reconnaître en raison de son arrogance, c'est-à-dire qu'il va envoyer des lettres à la police, aux journalistes, il va narguer les autorités et il symbolise cette New York violente des années 70. Alors, ce sont pour ces raisons généralement qu'on se rappelle encore de lui aujourd'hui. Il y a un jeu maléfique, là. On sait qu'il y aura une prochaine victime. C'est annoncé, d'où cette terreur, là. Et ce côté, vous le disiez, mais gratuit. Il tire sur des innocents. J'essaie de me mettre dans la peau des gens. On se dit, on est tous potentiellement une victime de Berkowitz. Exactement, parce que les gens doivent sans arrêt regarder par-dessus leurs épaules. Les habitudes des jeunes vont changer aussi pendant cet été caniculaire de New York. Et encore aujourd'hui, bien, on se fait un peu à cette idée que ce genre de crime est parfois possible. Oui. Ça se produit, cela dit, cette série de meurtres de David Berkowitz dans une ville, dans une New York qui est très, très violente. Parlez-nous un petit peu de ce contexte-là. À quoi ça ressemble, la violence à New York dans les années 70? La ville de New York dans les années 70, c'est la plus populeuse des États-Unis d'abord, mais c'est aussi la plus violente des États-Unis. On parle de 2000 meurtres par année à ce moment-là. Ça veut dire un taux de 10 par 100 000 habitants. Les gens s'attendent à la violence. Il y a des quartiers complets où on ne peut pas se promener. La police même ne se rend pas, en particulier dans le Bronx, par exemple, dans le Queens, là où va sévir en partie Berkowitz. Aujourd'hui, là, on parle de la 24e ville la plus violente des États-Unis. On a un taux de criminalité qui a drastiquement diminué. Ouais. Mais dans les années 70, le taux de criminalité est très élevé, essentiellement pour des raisons économiques, aussi étrange que ça puisse paraître, dans la mesure où la ville connaît une crise financière importante. On va diminuer de 35 % les forces de l'ordre dans la ville, alors que la criminalité est très élevée. C'est le phénomène des gangs de rue qui va émerger. La mafia new-yorkaise est très présente. Il y a du terrorisme politique également. Donc, diminution des forces de l'ordre et augmentation de criminalité, c'est ça qui va avoir ce résultat. Tout 2000 meurtres par année, c'est énorme. Comme c'est chiffre. Parlons de Berkowitz lui-même. Dites-nous un peu qui il est, ce fameux David Berkowitz. D'abord, Berkowitz est né à New York. Il est né à Brooklyn en 1953. Il a été adopté en bas âge. Ses parents n'étaient pas mariés. Et à l'époque, apparemment, c'était compliqué, ces affaires-là. Donc, on pouvait pas garder l'enfant. Il a été mis en adoption. C'est quelqu'un qui a eu toute sa jeunesse des problèmes de comportement, petite délinquance, toutes sortes de délits comme ça pour lesquels il n'a pas subi trop de conséquences. Il va s'enrôler dans l'armée en 71. Il va servir en Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon, notamment. Et quand il revient, il occupe des petits boulots de col bleu et notamment, au moment des crimes, il sera à l'emploi du service postal américain. Et d'ailleurs, depuis ce temps, dans la culture populaire, je vous dirais que le service postal des États-Unis est devenu le symbole un peu d'un lieu où l'ennui est tel qu'il conduit à la folie, lieu qui emploie des gens qui sont un peu timbrés et des criminels potentiels, en fait. Donc, dans l'imaginaire populaire, on a associé l'employeur de Berkowitz à son état d'esprit, à lui, en fait. Et il va, avoir envie de tuer assez rapidement. En décembre 1975, c'est là qu'il va tenter pour la première fois de tuer des gens. Il va poignarder deux femmes qui vont survivre, mais c'est le début de la séquence de crimes du fils de Sam. Et là, ça va s'enchaîner à un rythme assez soutenu. Assez soutenu parce que en 13 mois, il va, vous l'avez dit, tuer 6 personnes, en blesser 7 autres. La première attaque du fils de Sam survient au petit matin du 29 juillet 1976. Berkowitz va s'approcher d'une voiture. Il voit deux jeunes filles, en fait, qui sont en train de discuter. Il sort son pistolet, un 44 spécial, et il va tirer sur les jeunes filles. Une seule va survivre. Les témoins parlent d'une voiture jaune aperçue dans les parages. Il va commettre deux autres tentatives de meurtre à l'automne, en octobre et en novembre. Toujours le même scénario. Dans le premier cas, un jeune couple se fait tirer dessus alors qu'il est dans sa voiture, mais va réussir à s'enfuir, donc pas de victime, même si le jeune homme est blessé à la tête. Et le 27 novembre, encore une fois, deux jeunes filles sont dehors, tout près d'un véhicule, sont en train de discuter. Berkowitz s'approche, commence à discuter avec elles et finalement sort son pistolet, tire sur les jeunes filles. Une sera paralysée. Donc, c'est le modus operandi qui va permettre à la police, en fait, de relier tous ces crimes-là éventuellement. En fait, c'est le 30 janvier quand il va s'attaquer encore une fois à un couple. Un mort, un blessé dans cette attaque du 30 janvier. C'est là que la police va commencer à faire des recoupements entre les différents incidents qui se sont produits à New York au cours des derniers mois. Qu'est-ce qui met la puce à l'oreille de la police? Bien, d'abord, les lieux, parce qu'on est dans des lieux là, qui sont assez proches. La façon d'approcher les victimes aussi. On va également trouver que, ça se passe toujours pas mal de la même façon. Les jeunes gens sont dans une voiture. Il n'y a pas d'altercation qui se produit d'aucune façon. C'est vraiment un hasard. Les victimes ne se connaissent pas. Donc, on voit que c'est ce sont des meurtres tout à fait gratuits, tout à fait aléatoires, en fait, qui sont en train de se dérouler. Les cibles se ressemblent. Les cibles se ressemblent beaucoup aussi. Ouais. Des jeunes gens, des jeunes filles. Fin 18, 19, 20 ans, essentiellement. Ouais. Le 17 avril 1977, David Berkowitz frappe à nouveau. Il tue un jeune couple. Mais ce qui est spécial, c'est que pour la première fois, vous parliez de cette espèce d'arrogance qui fait partie de l'histoire associée à Berkowitz. Il laisse une première, il y en aura une autre plus tard, mais il laisse une lettre à l'intention du chef de police de New York à côté des corps des victimes. Que dit cette lettre-là, Karine Pertz-Primont? Bien, c'est là où on va, pour la première fois, voir apparaître le surnom de fils de Sam. C'est là qu'il va signer sa lettre du fils de Sam, parce qu'auparavant, on l'appelait le tueur au calibre 44, parce que c'est l'arme de prédilection de Berkowitz. Pourquoi le fils de Sam? Parce que Sam Carr est le voisin de Berkowitz, et il possède un labrador, et Berkowitz soutient qu'il entendait des voix, il entendait le chien lui intimer l'ordre de tuer, que les démons passaient par le chien pour l'inciter à tuer. Donc, c'est comme ça qu'il se proclame le fils de Sam. Dans cette lettre-là, surtout, il va affirmer son désir de continuer à tuer. On a déjà commencé à avoir un portrait robot du fils de Sam. Les témoins ont parlé de la voiture jaune, ont parlé de son aspect d'adolescent joufflu. Il a l'air un peu juvénile. La police va s'attarder beaucoup plus sérieusement à ce cas-là en disant que c'est quelqu'un qui va continuer tant qu'on ne l'arrêtera pas. Ouais. Le 30 mai 1977, il prend à nouveau la plume, Berkowitz. Cette fois-là, il fait parvenir une lettre à un journaliste, le journaliste Jimmy Breslin du Daily News. Que dit cette lettre? Là, une lettre qui va avoir d'ailleurs un impact considérable dans l'opinion publique. Mais qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Bien, d'abord, il va ridiculiser la police. Comment ça se fait qu'on ne m'a pas encore attrapé alors que je laisse plein d'indices? Donc, c'est ce côté arrogant dont on parlait précédemment. Mais surtout, il va annoncer son prochain meurtre. Alors, on peut imaginer effectivement l'onde de choc, l'onde de panique chez les citoyens. Et c'est dans cette lettre-là qu'il va dire qu'il a une préférence pour les jeunes filles qui ont les cheveux longs foncés. Alors, on va voir les jeunes filles de New York se ruer chez le coiffeur, se faire couper les cheveux, se faire teindre en blonde parce qu'on ne veut absolument pas être une cible. Surtout que ça peut arriver, effectivement, à n'importe qui. C'est la panique totale. Donc, cette lettre-là va avoir beaucoup d'effets au sein de la population. 26 juin 1977, il sévit à nouveau. Oui. Un couple se fait de nouveau tirer dessus dans sa voiture. Les deux vont survivre et vont contribuer, encore une fois, à la description qu'on a déjà du tueur. Et le dernier meurtre va avoir lieu quelques jours plus tard, le 31 juillet 1977, à Brooklyn. Un jeune couple de 20 ans est également victime du fils de Sam. La jeune fille va mourir. Et des témoins parlent de nouveau de cette fameuse voiture jaune qu'on avait vue lors du premier meurtre. Et ça corrobore, en fait, les données qu'on a déjà à ce moment-là sur le fils de Sam. Eh bien, vous m'avez eu, c'est par ces mots que David Berkowitz a ouvert tôt ce matin la porte aux policiers venus l'arrêter. Détendu, souriant, presque angélique, tel est apparu à la face des New-Yorkais, celui qui a terrorisé la ville et tenu en haleine la force policière la plus implacable jamais rassemblée pour la recherche d'un seul homme. On a trouvé dans sa voiture et chez lui des armes diverses. Il avait même l'intention ce soir de faire une razzia au fusil mitrailleur dans une boîte de nuit de Long Island. Quoi qu'il en soit, la malchance a joué contre cet employé des postes qui passe ses nuits à tuer les amoureux enlacés. C'est à cause d'une contravention pour stationnement illégal que les policiers l'ont finalement identifié. Une femme avait aperçu cette voiture jaune non loin de l'endroit où le dernier attentat avait été commis. Et 4 jours plus tard, elle en avisait les policiers. Pourtant, la chasse à l'homme s'avérait difficile, bien que ce soit finalement soldé par un succès. Alors tout s'est vite enchaîné et le sort du fils de Sam ne dépend plus maintenant que de la justice. Les gens peuvent désormais dormir en paix, devait déclarer à ses concitoyens le maire Abram Bean. C'est donc dans la nuit du 10 au 11 août 1977 que Berkowitz se fait rattraper par la police. Il y a différents éléments, on en a parlé, mais la voiture jaune, comment la police réussit à le rattraper? Mais en fait, c'est Berkowitz qui va s'approcher de sa voiture, va constater qu'il a reçu une contravention. Et il y a un témoin, il y a une femme qui le voit. Et quand Berkowitz va voir la femme, il va s'approcher d'elle et va tirer 3 coups de feu dans sa direction. Elle ne la blesse pas, mais elle panique. On peut l'imaginer. Oui. Elle appelle la police. Et la police peut très rapidement identifier le propriétaire de la voiture en raison de cette contravention-là. Donc, on va l'attraper essentiellement à cause de cette contravention parce que la police va fouiller le véhicule, va découvrir des munitions pour un calibre 44, va découvrir une carte des scènes de crime et aussi une lettre signée fils de Sam qui devait être envoyée la prochaine fois. C'est quand même incroyable. Il aurait tout voulu se faire prendre, qu'il n'aurait pas fait autrement, en fait. Ouais. Donc, tout est dans la voiture. Alors, on attend un mandat de perquisition pour fouiller davantage parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas. Alors, on fait la demande subséquemment. Et en attendant, les policiers vont l'intercepter. David Berkowitz, quand il va quitter son appartement, il a en possession une arme de calibre 44 et il va dire aux policiers qui l'approchent: ça y est, vous m'avez eu. Pourquoi avez-vous mis si longtemps avant de m'attraper? Police sirens announced the arrival of Berkowitz at the courthouse amid the tightest security many courthouse observers could remember. Et David Berkowitz, alias le fils de Sam, qui a terrorisé New York pendant un an, a plaidé coupable du meurtre de la dernière de ses 6 victimes. Berkowitz, connu aussi sous le nom de tueur au calibre 44, s'attaquait au jeune couple d'amoureux le soir dans les rues désertes de la métropole américaine. Le procès qui s'est ouvert aujourd'hui à New York est entouré de mesures exceptionnelles de sécurité. Les autorités, redoutant des actes de vengeance contre le meurtrier David Berkowitz, 24 ans, s'est reconnu coupable de ce premier chef d'accusation en dépit de l'avis de ses avocats qui lui conseillaient de plaider le déséquilibre mental. Le meurtrier, qui risque une peine allant de 25 ans à la détention perpétuelle, va connaître sa sentence le 22 mai. Le procès de David Berkowitz commence le 8 mai 1978. Karine Prémont, comment va se dérouler ça? J'imagine que toute la presse new-yorkaise y est. Comment ça se déroule, ce procès-là? C'est un procès qui est effectivement largement médiatisé. On avait déjà beaucoup parlé de ses crimes. On a beaucoup parlé de son arrestation et évidemment de son procès. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur sa culpabilité. Il a confessé lui-même tous ses crimes. Il a reconnu être le fils de Sam. Alors, le procès va tourner autour de sa santé mentale, de sa capacité à être jugé pour ses crimes. Il sera déclaré apte à subir son procès. Il va plaider coupable à 6 chefs d'accusation pour meurtre. Et en même temps, il va confesser 1500 incendies qu'il aura allumés toutes ces années dans les rues de New York, dans la ville de New York. Donc, on avait un pyromane en série et un tueur en série. Il s'est avéré que c'était la même personne. Le procès va être un peu choquant pour la population. D'abord, les gens vont être rassurés parce qu'on a mis la main sur le fils de Sam, mais en même temps, un peu choquant parce que Berkowitz présente une certaine nonchalance, une certaine désinvolture. Il a l'air effectivement d'un adolescent pas très mature. Mm-hmm. Alors, ça contraste beaucoup avec l'image que les gens s'étaient faite de ce tueur tout à fait sauvage qui y va de ses crimes gratuits. Mais ça ne l'empêchera pas. Ça correspond pas. Cet adolescent-là, c'est vrai que c'est troublant parce qu'on se dit que c'est une entreprise maléfique, c'est un diable qui sévit dans New York depuis un an. Puis il y a ce gamin, ce petit adolescent. Homme-là qui a un visage juvénile, effectivement, qui est responsable de ça. Alors, les gens ont été un peu sous le choc, effectivement, mais par ailleurs, évidemment, soulagés. Les crimes de ce type ont cessé par la suite. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté sur la culpabilité de Berkowitz. Il écope de quel genre de sentence? Sentence, évidemment, plutôt exemplaire. 6 peines d'emprisonnement à perpétuité, donc 365 années de prison. À l'énoncé de sa sentence, il a un peu paniqué. Il a voulu se jeter en bas du 7e étage. C'était là où était la cour. On l'a rattrapé et évidemment, on va l'envoyer en prison ensuite et il va devenir une espèce de célébrité du crime à partir de ce moment-là. Ouais. Et puis, autant il y aura toute une couverture médiatique pendant tout le temps où va durer cette succession de meurtres qui étaient New York, autant on va vouloir lui parler. Il va parler quelquefois à la presse, derrière les barreaux. Est-ce qu'il va faire des aveux? Comment il va tenter au moins de justifier ce qu'il a fait au fil du temps, Karine Prémont? Bien, en fait, il va commencer par reconnaître que cette histoire de voix de chien n'est pas tout à fait exacte. Il a inventé ça un peu pour justifier ce qu'il a fait parce que, justement, il disait « J'étais en proie à toutes sortes de démons intérieurs. Je me sentais rejetée par les femmes. Je me sentais inadaptée dans la société. Mais j'ai inventé cette histoire de voix pour donner un peu plus de sens, si jamais une telle chose se peut, au crime que j'ai commis. » Donc, c'est la première chose qu'il va avouer, que ses voix n'étaient pas réelles. Ouais. Qu'il en voulait vraiment aux femmes. Il en voulait aux femmes, il en voulait à la société en général. Il se sentait mésadapté complètement. Ouais. Et puis en 2017, il y aura cette autre entrevue au réseau CBS dans laquelle, je pense, pour la première fois, il va s'excuser, en tout cas dire regretter ce qu'il a fait. On l'écoute. As far as I'm concerned, that was not me. That was not me. En ce qui me concerne, ce n'était pas moi. Même ce nom, je le déteste. Je méprise ce surnom, le fils de Sam. C'était le démon. Je répondais à une entité démoniaque honteusement et en toute ignorance. A demonic entity that I was serving in my ignorance, in my shame. In New York early this morning, the 44 caliber killer tried to kill again. That was just a break from reality. Je m'étais éclipsé du monde réel. Je croyais faire quelque chose pour apaiser le diable. À cette époque, j'étais à son service. J'ai l'impression qu'il contrôlait mon esprit et mon corps. J'ai abdiqué devant ces forces ténébreuses et je le regrette sincèrement. Ça fait 40 ans maintenant. Very dark forces. I regret that with all my heart, but you know that was like 40 years ago. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait donc de cette entrevue que Berkowitz va accorder à CBS en 2017. On peut être perplexe face à ce qu'on vient d'entendre, mais c'est intéressant parce qu'au fond, il finit par s'excuser, mais un petit peu du bout des lèvres, Karine Prémont. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2017, CBS, évidemment, qui veut cette entrevue, c'est du bonbon, c'est du gâteau pour les médias et tout du long, Berkowitz. Oui, et c'est intéressant justement parce qu'on veut lui faire avouer, on veut lui faire demander pardon et on veut souligner ce 40e anniversaire, évidemment, de façon spectaculaire. Et ça va fonctionner dans la mesure où Berkowitz va dire effectivement, je m'excuse de ce que j'ai fait. Il le fait du bout des lèvres, comme tous les aveux de culpabilité de tueur en série, d'une certaine façon. Genre, on a l'impression qu'il sent qu'il est un peu contraint de faire ça. En même temps, il se présente comme un born-again Christian. Il préfère se faire appeler le fils de l'espoir plutôt que le fils de Sam. Il aurait demandé pardon par lettre aux proches de certaines de ses victimes. Donc, il y a une certaine démarche qui est faite. Ouais. Mais en même temps, je pense que pour les médias, c'était aussi une façon de revenir sur ces événements qui avaient traumatisé la ville de New York. Ça fait partie de l'histoire de Berkowitz, la présence... C'est horrible ce qu'il a fait, des meurtres en série. On sait qu'il va frapper des victimes innocentes. C'est 6 personnes qui vont mourir. Donc ça, c'est horrible. Mais c'est une époque où il y a 2000 meurtres par année à New York. Oui. Et on peut se demander avec le recul, qu'est-ce qui fait qu'il a eu une aussi grande couverture médiatique? Bien, en fait, la ville de New York était également en proie à cette époque-là à une guerre des tabloïdes. On parle, par exemple, du New York Post, du Daily News, donc les journaux à sensation, ouais, qui étaient en pleine guerre commerciale à ce moment-là. Alors, les crimes de Berkowitz ont connu une couverture tout à fait démesurée par rapport à l'ampleur de ses gestes, et on a rapidement compris que la peur faisait vendre. Alors, ouais, ces journaux-là publiaient des dizaines de reportages à tous les jours, des couvertures extrêmement criardes, extrêmement sensationnelles. Ce qu'on a sous-entendu avec cette couverture-là, c'est que peut-être ça l'aurait poussé à tuer davantage parce qu'il recherchait de l'attention, ouais, parce qu'il aimait voir son nom dans les journaux. Alors, il y a eu cette controverse-là, ouais, autour de l'attention médiatique qu'on lui a accordée. Et cette guerre-là, en fait, et c'est intéressant parce que New York Post venait d'être acheté par Rupert Murdoch, qu'on va connaître plus tard comme propriétaire de Fox, c'est ce qui lui a permis de mettre un pied dans le monde médiatique américain. C'est un homme d'affaires australien. Mais donc, et c'est Daily News qui va recevoir les lettres du fils de Sam. Donc, il y a cette guerre de tirage, cette guerre commerciale entre les deux qui va peut-être menait la surenchère, ouais, en fait, concernant les crimes de Berkowitz et lui donner une notoriété qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement. Terminons sur un aspect plus positif, parce qu'il y en a un, au moins un. C'est qu'il y aura des changements. Cette succession de meurtres, cette terreur que va semer Berkowitz à New York dans les années 70, ça va conduire à des changements législatifs importants et intéressants. Oui, parce que dès 1977, l'État de New York va adopter une loi qu'on va appeler la loi du fils de Sam, qui interdit aux criminels de tirer profit de leurs crimes. Ce que ça veut dire, autrement dit, ils ne peuvent plus se faire payer pour accorder des entrevues, par exemple, ne peuvent plus recevoir de droits d'auteur quand ils publient des livres, justement par respect pour les victimes. L'État de New York va invoquer cette loi-là 11 fois entre 77 et 91, notamment pour empêcher l'assassin de John Lennon de vendre son histoire aux médias, par exemple. La Cour suprême des États-Unis, en 91, va dire que cette loi est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression des individus, mais aussi parce qu'elle empêcherait, par ailleurs, la documentation d'événements historiques. L'assassinat de John F. Kennedy, par exemple, le Watergate, essentiellement, parce qu'il y a des crimes qui sont commis. Et ça empêcherait aussi la publication d'autobiographies ou de mémoires de personnages importants qui ont commis des crimes, Malcolm X, par exemple. Donc, on a été obligé d'abolir cette loi-là, mais l'État de New York va revoir sa loi, va la remanier, va créer une nouvelle mouture de ça en 2001. Et ce qu'elle dit, cette loi-là, c'est qu'à partir du moment où un criminel reçoit plus de 10 000 $ pour une entrevue ou un ouvrage, par exemple, ses victimes en sont avisées et elles peuvent à ce moment-là le poursuivre pour être dédommagées. Aujourd'hui, 41 États américains ont une loi semblable. Le gouvernement fédéral aussi. C'est d'ailleurs ça qui est intervenu dans l'histoire d'O.J. Simpson avec ce livre « If I Did It », ouais, qui empêchait justement qu'il puisse retirer les profits de la vente de ce livre. Karine Brémond, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Ronald Georges. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.